êtes bien informé. Si la vie d'un homme tient un fil, un bon réseau d'informations, ça fait beaucoup de fils. C'est le crépuscule et au-delà du soleil matinal, le papier sera raturé, vilipendé de sujets parfois exécrables. En villégiature ou en ville, l'allure vive, la vie d'une nuit vécue s'amuse. Ok. Je n'ai pas eu tant le choix, si c'était compter mes pieds, parce que la main sert à bout de doigts. Avoir du cœur comme un boxeur qui en prend plein la gueule, j'en prends plein la feuille. Manie un peu d'orgueil avec un zeste d'écueil. Manie les cris avec un trait simple comme Osvaldo Cavandoli. Plie est telle une origami. Tracé qui exprime sa linéa. Tout prend sens quand l'œuvre vit et offre son appel. Le rap ne se porte pas par les disques mais par les tripes. Pas besoin d'avoir maille à partir avec la police pour le sentir. Quand j'écris un texte, l'instru, je prends le temps de la connaître. Lui donne ma voix au dernier moment pour rec. Je ne suis pas MC facile, c'est peut-être qu'à l'époque c'était dur d'avoir une prod, une face A. À kicker, comme jadis, un mic, un PC, savoir s'en servir. Certes, on est construit par ce qui nous empêche, malmené par des hymnes qui nous entêtent. Veuillez excuser les parcours, les tracés n'ont rien de cool. Sitôt que l'homme a un dé à boire, il a tellement soif qu'il en devient saoul. C'est le crépuscule, et au-delà du soleil matinal, le papier sera raturé, vilipendé de sujets parfois exécrables. En villégiature ou en ville, l'allure vive, la vie d'une mine d'écu s'amuse. C'est le crépuscule, et au-delà du soleil matinal, le papier sera raturé, vilipendé de sujets parfois exécrables. En villégiature ou en ville, la vie d'une rime existe entre les lèvres qui l'ont lu. Des traces et nullement sous l'égide d'une quelconque politique. Je ne suis point de ceux qu'on instrumentalise. Point d'appât du gain, point de carrière en vice. Je n'ai jamais rappé pour SOS, sionisme, pardon, racisme. Au mieux tu me trouveras sur une scène ouverte pour SOS baleine. Genre simple vie pour un retour à la terre. Ces terres est belle, mais nous sommes au ras des pâquerettes. Allez au diable avec vos spiritualités, bisous. À force d'être pris dans votre course, vous avez oublié que c'est ton enfer que vous êtes. On court après ce qu'on n'a pas. Vole son plaisir à autrui, à défaut de trouver, partager la joie. Certes, tout est vibratoire, mais il demeure une grande différence entre croire, savoir et percevoir, au point d'en être l'avatar. Léo, c'est beau ce que vous dites. J'ai l'impression que vous n'aimez pas la paix. Je n'ai jamais rencontré la paix, j'y crois pas. Si vous restez à San Miguel, vous changerez d'opinion. Ça me regarde. Mes opinions, c'est moi qui en décide. Ce monde est un immonde connard qui fixe un prix sur tout. La paix, l'amour et le bonheur d'une rencontre. Profite de la misère sociale, l'inscription est gratuite. Salive devant nos membres qui t'acquichent en échange de pute dans l'iris. Crédite si tu veux qu'on communique. Et comme l'égalité des sexes veut, dans l'alcool où le secret tient peu, c'est le mec qui paye, ceux qui le peuvent cause, les autres s'astiquent. Dans la maison close, électronique, il est logique que ce procédé pousse celui qui dépour centime à vouloir faire goûter la pine. Mieux vaut être à poil qu'appuyer sa perversité, porter ses couilles, porter sa chatte, que brûler de désir derrière un mensonge chaste. Moi, je suis un homme en colère, révisionniste de tout, surtout si on m'en interdit la visite. C'est le crépuscule, et au-delà du soleil matinal, le papier sera raturé, vilipendé de sujets parfois exécrables. En villégiature ou en ville, l'allure vive, la vie d'une mine d'écu s'amuse. C'est le crépuscule, et au-delà du soleil matinal, le papier sera raturé, vilipendé de sujets parfois exécrables. En villégiature ou en ville, la vie d'une rime existe entre l'élève qui l'ont lu. Existe entre l'élève qui l'ont lu. La vie d'une rime entre l'élève qui l'ont lu. Venez à la prod.